Salut Zachro, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Et Rétro Gamer PQ. Pour le podcast des Zachro, l'édition du 3 décembre 2012. C'est les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Pas si pire, pas si pire. Ben fatigué, le travail rentre dedans. Oui. Ça va bien, ça va bien. Juste le travail? Oh, le travail, les accros, les critiques. Oh. Les deux cadeaux de Noël que j'ai reçus pour l'échange de cadeaux m'ont particulièrement. J'ai hâte de voir ça. Ça a l'air. En tout cas, Marie-Ève avait l'air de rire pas mal. Ouais, Marie-Lune, elle rit pas mal de sa shot, là. Puis c'est eux aussi, je pense qu'ils rient pas mal de sa shot. Parce que oui, j'ai accepté de faire un échange de cadeaux supplémentaire pour inclure CE. Ce qui inclut que CE m'envoie un cadeau et j'envoie un cadeau à CE. Et vous allez voir, je pense que cette année, là, pour ce qui est de l'édition de l'échange de cadeaux, ça va être unique. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Et vous autres, les gars, quoi de neuf? Magasinage de Noël, j'ai déjà compté de mon bord. Le travail également, vu que c'est la fin de. Vu qu'on approche officiellement de la fin de l'année, ben, let's go, on envoie les documents à gauche, à droite, aux États-Unis, au Canada, en Istanbul, name it. Pour ça, ben, il y a beaucoup de préparation de vidéos de mon côté. Dont un petit spoiler, un hommage à un accro. Est-ce que c'est un accro présent? Est-ce que c'est un ancien accro? J'en sais pas plus. Ok. Et toi, Sylvain, quoi de neuf? Ben, c'est pas mal la même chose, préparation de vidéo, le travail. Je suis backlogué en jeu de testing. Pour les 4 prochaines années, quasiment. Ouais, je me rends compte que moi et tout, j'ai tellement de jeux à jouer que Pareil. il faut que j'arrête à un moment donné d'acheter, j'arrête pas d'acheter, puis j'ai même pas effleuré la plupart des jeux que j'ai joués. Ben ouais, ben c'est ça qui arrive, hein. Puis là, tu trouves un lot, puis là, tu l'achètes, puis là, tu Ouais. sais, ça finit plus. Ça Et finit. voilà, effectivement. J'ai le même problème, les gars. J'ai carrément le même problème. C'est dur, hein? Puis le pire, c'est qu'on a toujours ah oui, il y a tel jeu qui est pas vraiment pas cher, puis je fais comme ah, faut que je l'achète, faut que je Ben l'achète. oui. Puis finalement, il reste quasiment en train de dormir dans mon étagère, puis Marilyn, elle me regarde avec des gros yeux, fait comme Benoît, t'aurais pas dû. Ben oui, Ouais, mais puis c'est l'envers de la médaille, c'est que souvent ces jeux-là, justement, sont ceux qui partent les plus vite, puis ensuite t'es as plus, puis là tu te manges les doigts par pur regret, parce que tu viens de manquer l'occasion au lieu d'avoir payé un jeu 60$, tu aurais pu le payer, mettons, 15$, puis là, oh, regardons ça, s'il l'a plus, ben ça se peut que tu aies à faire une chasse à plusieurs magasins, que tu aies à courir, ou que tu aies sur eBay, puis que tu le payes à des prix assez arbitraires, merci beaucoup. Ah, c'est très très cher sur eBay aussi. Fait que, tu sais, c'est une lame à double tranchant. Mais tu sais, par exemple, je pensais à ça en petite thèse, tu sais, comme quand je vous parlais de la Game Boy. Il me faut une Game Boy Advance, là. Là, je suis Ouais, rendu. j'en ai trouvé une, mais moi, m'a effectué d'autres recherches pour pouvoir, comme qui dirait, te convenir. Ok. Mais tu sais, c'est comme. J'avais tellement la chance d'en avoir auparavant. Même pas il y a 2 3 semaines, j'en avais vu une dans un pawn shop qui était 25$. Je me disais, ah, tu sais, c'est pas grave. Au pire, SP ou régulier? Ah, les deux. Les deux, c'est pas grave. Ok. Préférence pour les SP, c'est ça. C'était une Oui. SP là-bas que je voulais, était rouge. Mais j'ai fait comme, ah, oh, au pire, je vais attendre ma paye, tu sais, elle va être là. T'sais. Là, je retourne, et puis là, je suis comme, non! Non, faut jamais faire ça, j'ai appris mes Non, hein. leçons, Ça moi. fait mal, pas mal au cœur. Sinon, ben moi de mon côté, ben j'ai, ben on va en profiter pendant ce podcast là, rapidement. Je vais faire une critique d'une tablette que j'ai Oh. achetée. Oh, t'as Ah, moi! Alors, ça va être un mélange un peu de, je sais pas si vous connaissez la chaîne ReviewTech USA Non. avec Rich. C'est un gars qui d'habitude il donne toujours son avis sur les jeux vidéo, mais des fois il teste des tablettes qui coûtent pas cher, puis tu sais, des affaires qui coûtent vraiment pas cher. Puis ma tablette a vraiment pas coûté cher. Puis ben c'est la Kyros de Kobe. Ok, ouais, des gens partant avec Obi, ouais. Kobe, bon, ceux qui le savent, c'est une compagnie qui fait des affaires électroniques, mais de très basse qualité. Mais Voilà. tu sais, je me disais, il y avait quand même des arguments de vente ça à boire, tu sais. Android 4.0, Vraiment, ice cream sandwich là-dessus. oui, 4.0 dessus. Ice Cream Sandwich, qui avait un processeur de, je pense, 500 MHz. Il y avait, tu sais, des coupes d'affaires. Pour 100 piastres chez TIG Géant, j'ai dit, ben, je vais l'essayer. De toute façon, mes attentes pour une tablette qui coûte pas cher étaient vraiment pas hautes. On s'entend. Je m'attends pas à faire du montage vidéo là-dessus. Je m'attends pas à faire des montages audio dessus. Mais je me disais, au moins, c'est une tablette que je vais être capable d'aller sur Internet, d'aller voir des vidéos, puis de jouer à quelques petits jeux. Alors, j'ai la tablette en main en ce moment, et c'est... Mes premières impressions, c'est pas pire comme tablette. Je m'explique. Tout d'abord, pour ce qui est du navigateur, ça va bien. J'ai pas de problème avec. Je te vois sur tous les sites, ça pose pas de problème. Je vois très bien les sites. Des fois, j'ai un petit peu de la misère à sélectionner les icônes. Par exemple, lorsqu'elles sont très très collées, je suis vraiment obligé de faire un gros zoom pour aller choisir l'icône. Puis des fois, j'ai l'impression que quand je clique sur l'icône, ben, elle va cliquer sur l'icône à côté. Je suppose que c'est pas votre impression. Des fois, ben, j'ai des gros doigts, ça c'est vrai aussi. Mais pour ce qui est de la navigation, c'est correct. Il nous donne aussi une application YouTube. Mais attendez, c'est pas une application. C'est un short link de... C'est un short link pour aller sur le site de YouTube. Ouais, vraiment. C'est vraiment là, lâche. C'est vraiment lâche. En passant, Isaac Rose, si vous allez sur le site présentement, il y a la nouvelle critique de Marilyn pour le jeu Centipede qui est en ligne en ce moment. Que Marilyn me fait dire de... Fais-moi linker ça. Bon. Absolument, moi j'ai vu la vidéo et c'est une vidéo très très très sympathique, alors à ne pas manquer. Alors on va continuer la critique rapidement. Le magasin d'application de Kobe s'appelle GetJar. T'achètes pas de... Il n'y a pas vraiment de magasin là-dedans, c'est vraiment des applications Android qui sont sur ce magasin-là. Ils sont toutes gratis, puis on trouve des Angry Birds là-dessus, je trouve ça bizarre, en version full. En plus, gratuit. Ok, puis avec pas de pub. Là. Pas de pub, rien. Ok, c'est louche. La chose qui. Ils ont une application Twitter là-dessus, ça marche super bien. Je viens juste de poster là-dessus, ça va vraiment bien. Mais Facebook marche pas dessus pour ce qui est d'une application. Ok. Pas d'application Facebook qui marche là-dessus. Bizarre. Big win. Il y aura pas de. Il y aurait pensé qu'il va y avoir un update plus tard, une mise à jour plus tard, quelconque qui va peut-être s'arranger pour corriger ce entre guillemets bug-là. J'ai aucune idée, je dois t'avouer. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas été me renseigner là-dessus. C'est aussi, je vous dirais que ce modèle-là, sa grosse lacune, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Donc, pas de vidéoconférence. Non, c'est un petit peu plate ça. Hype ou sur. C'est ce qui est vraiment dommage. Mais pour ce qui est d'une tablette qui coûte 100$, mais qui. Tu sais, tu peux aller sur Internet jouer à Angry Bird, c'est pas si pire. Peux-tu faire des traitements de texte avec cette tablette-là? Oui, j'ai essayé avec le celui de Google. Ça va bien, j'ai pas eu de problème là-dessus. Ils ont une petite application que tu peux aller chercher également. C'est pas si pire. Oui, j'ai mis aussi des films dessus. Puis j'avoue que j'ai été surpris par la qualité. C'est une belle qualité. J'ai été capable d'écouter la série complète de Star Trek dessus, la première The Next Generation. J'ai pas eu de problème de bug, rien. Ça va bien. J'ai bien aimé ça. Ils vous donnent aussi une carte cadeau de 10$ dans la boîte pour acheter de la musique là-dessus, mais je vous avoue que le magasin, ça vaut pas de la merde. Alors, j'ai comme lâché ça. Mais sinon, je pense que pour ce qui est de donner une note, je pense que j'y donnerais une note de 6 sur 10. Ce qui est forçable, c'est si vous voulez en acheter une vraiment comme première tablette, puis vous savez pas si c'est votre genre d'avoir une tablette, allez-y. Ouais, mais t'as pas peur qu'en disant ça, le monde ils vont acheter une tablette de marde, puis ils vont dire ben, c'est de la marde. Ben, c'est sûr que c'est une tablette qui vaut son prix. 100$, t'entends-tu, tu fais pas grand chose avec. C'est comme on prend à peu près ce principe. Mais... Tant pis, mais c'est la tablette qui est conséquemment la plus cheap. Oui, c'est dans les plus cheap que j'ai vu. Bon, ben c'est ça. Fait qu'il faut aussi prendre pour acquis que... Des fois, il y a des choses que le prix, quand c'est bas, ça veut dire que c'est de la merde. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais j'ai été surpris, je m'attendais à donner un 4 sur 10 quand j'ai ouvert la boîte, mais finalement, j'ai revisé ça, j'ai mis ça à faire job, mais si vous voulez vraiment investir pour une vraie bonne tablette, allez vous chercher au moins une Nexus ou une Samsung comme Retro Gamer qu'il y a. Vous allez être plus heureux, surtout que les nouvelles tablettes ont du Bluetooth, donc vous pouvez brancher vos manettes comme le suggère Sylvain dans sa critique. Il ne faut pas dire, il ne faut pas mentionner le iPad au podcast des accros parce qu'on peut se faire trucider. Mais Marie-Lune, elle a un iPhone, fait que elle risque, elle adore son iPhone. Mais bon, Oui, elle adore son iPhone. Ce qui fait frustrer notre cher Retro Gamer, c'est qu'il n'y a pas d'application Skylander sur Android. Chier. Ça viendra. Alors, Marie-Lune a le test de devoir faire le jeu de Skylanders en iPhone. Qu'est-ce que t'en dis? Le Battlegrounds? Ouais, sûrement. Alors, non, c'est ça, c'est dommage pour toi, t'as pas la chance de pouvoir jouer à Skylanders sur iPhone. Non, c'est ça, puis j'ai passé une soirée de ça, puis j'ai le goût de m'acheter une tablette iPad juste pour ça. Alors, c'est ça, c'est vraiment dommage pour toi. Marie-Lune, peut-être s'est lancée dans cette découverte-là, je sais pas. Mais j'ai quand même, tu m'as donné un code d'une de tes figurines, fait qu'on va essayer ça, m'amener. Voir qu'elle est bonne. Sinon, à part ça, côté jeu, qu'est-ce que vous jouez ces temps-ci, vous autres? Moi, c'est une petite game de Borderlands, ce que je viens de dire là. BioShock, que je commence à vraiment tomber en amour avec. J'essaie de tenir ma game courante de Metroid Other M et je skip les scènes les unes après les autres parce que c'est de la merde. Ça veut dire que Marie télécharge en ce moment l'application. Ouais. Excuse-moi? Marie-Lune est en train de télécharger l'application Skylander sur son iPhone pour l'essayer. Ah, okay. Il y en a trois, là. Faut faire attention. C'est lequel, le tien? Ben, il y a Cloud Patrol, il y a Battlegrounds, puis il y en a un troisième, je me souviens pas. Et c'est là qu'il a l'air vraiment cool, c'est Battlegrounds. C'est un genre de jeu de stratégie Skylander. Sinon, toi, Sylvain, qu'est-ce que tu joues? À part Skylanders Giants, j'ai pogné un jeu qui s'appelle Otimidia. En tout cas, je me souviens plus du titre, mais en tout cas, c'est un genre de shooter qui est fait par ceux qui ont fait Gradius. Avec c'est deux. Ouais. Puis, ouais, mais spécifiquement par ceux qui ont fait Gradius. Là. Ok, bien. Puis, bon, qui ont mis des chicks avec des boules, là. Fait que... Non. Fait que c'est genre Gradius, mais saucé à la boule. Yeah, ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Pour ça, j'ai une couple de pour la Saint-Valentin. Non. Saint-Valentin, selon Retro Gamer. Quoi? Comment briser la Saint-Valentin avec ta blonde avec Retro Gamer PQ? Ben oui, j'écoutais des films de cul, puis jouant des films avec des jeux vidéo avec des filles animes qui ont des grosses boules. Écoute, voyons Batman Porn Parody. I'm Batman. Puis après, c'est une couple de jeux Nintendo là, que j'avais jamais vu de ma vie, comme Chubby Cherub, puis Ninja Kid. Oh my god, Ninja Kid. Non, ça me dit rien, celui-là. Non, j'avais jamais vu ça avant. Ninja Kid, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est fait par Bandai. Ouais. C'est Ninja Kid en bleu, là? Non, c'est vraiment de la merde. Et voilà. Puis, je me suis pogné 7 au complet de Robocop vs. Terminator sur le Super Nintendo. T'avais pas déjà... Attends. Le 7? Ouais, la boîte au complet pis tout, là, pour 9$. Oh! Fait que, bon, attendez-vous à ce que je fasse un Robocop vs. Terminator numéro 2. Ton pire jeu, là? Ben ça, c'était la version Game Boy, là. OK. De sa version SNES. La première bataille avec le LD-209. Ouais, genre... la semaine passée ou deux semaines? Puis t'es comme... Hey, wow, dis que c'était film de bon, là. C'est vrai que c'est encore bon. De quoi, le premier film de Robocop? Ouais. Ah oui, c'était un classique, ça. Ouais. Ça n'a pas perdu son charme, ça faisait comme... Ah non, ça a bien vieilli, ce film-là. Oui, malheureusement, le remake, ça va être de la grosse merde, mais... Moi, là, ce qui m'agace avec le remake de Robocop, là... C'est qu'il ressemble à Batman. Puis pas juste ça, hein? Le Cyclope. Il a l'air trop slender, il a pas l'air assez badass pour... Il a pas l'air Robocop. Moi, il y a quelque chose qui m'agace, vraiment, là... Il y a deux choses. La première, c'est sa moto. Je trouve qu'elle a l'air cheapette. Ouais, c'est pour vendre des jouets. Ouais, c'est pour vendre des jouets. Puis deux, il y a une main humaine. comment ils vont expliquer ça? Je sais pas. Moi, il y a personne. Moi, là, je vois vraiment la main tout le temps. À chaque photo, je vois une main humaine. Je viens de comprendre. Non, la main humaine, c'est pour, entre guillemets, plus faciliter le côté humain de Robocop. Alors que dans le projet de Robocop, ben, son côté humain était pourtant très, très bien démontré. Fait que c'est quoi le problème d'avoir une main humaine? Je dis pas que c'est ça, mais je suis à peu près sûr à 90% que c'est pour démontrer cet aspect-là de Robocop. Fait que t'es en train de me dire qu'il va être capable de faire un finger? Il y a des fortes chances, puis c'est vrai, de finger au public. Ah bon. Parle de ça. On va finir avec ce que tu disais, tu sais, excuse-moi, on t'a coupé pour que Rétro jase. Fait que je vais te laisser la chance de discuter, mon ami. Moi, là, j'ai plus rien à dire. Vas-y, dis-moi-les. Ça va bien. Rien à dire. Ok, c'est bon. Ok, t'as rien à dire, on vient de commencer le podcast, ça va aller bien ici. Bon, ben, c'est à mon tour d'abord. Moi, je joue cet ensuite. Je suis pas mal à Cave Story sur Steam, grâce à la vente de jeux. Oui. Je joue à tour de bras à Cave Story, c'est vraiment le fun, j'adore ce jeu-là. J'en suis accro. Oui, c'est vrai, extrêmement bon. Ah, c'est mauditement bon. Sinon, Ouais. Sinon, j'ai pogné avec... j'ai acheté... comment ça s'appelle? Counter-Strike. Counter-Strike OP sur PlayStation 3. OK. C'est pas super. Attends, OP... C'est-tu PlayStation 3, c'est-tu le jeu physique ou c'est le... Non, c'est un téléchargement, celui-là. Téléchargement, c'est ok. Mais moi, regarde, je me cherchais un fixe de jeu d'armée, puis ça me tentait pas de jouer au Call of Duty comme à l'épisode, puis je me suis rappelé que ce jeu-là était sorti il y a une couple de mois sur PlayStation 3, j'ai dit « Ah, je vais l'essayer! » Puis j'ai joué pendant quoi, quasiment 2 soirs d'affilée complet, puis j'étais trop haut dans le score, je sais pas pourquoi je suis bon dans ce genre de jeu-là, là. Mais je kick les... Là, qui se pète les bretelles. Ah ouais, moi j'en suis bête les bretelles. Je suis pas bon dans la plupart des jeux. Mais ça, pour une fois, je suis bon. Je suis vraiment bon. Tout comme Marie est bonne avec les bébés. Et voilà, voilà. Chacun sa spécialité. Désolé, c'est parce que là, je vois Marilyn qui voit une image de bébé sur YouTube. Là, elle est comme... Je veux le prendre! OK. Qu'elle fasse comme tout le monde puis qu'elle regarde des vidéos de YouTube de chats. Mon ami Marie, antithèse fait dire que tu devrais faire comme tout le monde puis écouter des vidéos de chats sur YouTube. Non? Ok. Elle manque de quoi avec The Mean Kitty de SMP Film? Non, j'espère qu'elle vient de trouver sa vidéo de chat. Elle vient de trouver sa vidéo de chat qui me tape pas ses nerfs, mais qui est proche, là. Gag, tant que t'es pas Nyan Cat, on est correct. Ah ouais, j'avoue. Si t'es Nyan Cat, ben run for your life. Sinon, à part ça, rapidement, je joue sur... je finis Chrono Trigger sur 3DS. Maudit classique, c'est tellement bon, là. Ben oui. C'est vraiment le fun. Puis, sinon, je joue sur iPod Touch. Je joue... m'a dit Larry, mais c'est Felix Fixit. Ok, if you pensais que t'allais dire Leather Suit Larry. Non, j'ai jamais joué à ça. T'as jamais joué à Leather Suit Larry? C'est horrible. À ce point-là? Ben, peut-être. Celui au PS2, il est de la merde, en tout cas. Ouais, mais là, moi, je parle de l'original. Celui sur PC, là, tu parles? L'original sur PC? Ouais, genre. Moi, j'ai jamais joué à ça. Fait que moi, ça a comme jamais manqué, là, mais. Moi, mon opinion, c'est que tu manques pas vraiment grand-chose. Non, en effet. D'accord. J'avais peur que Retro me dise « Mais non, c'est le jeu de l'année. » Es-tu malade? You! Dark Giant, c'est le jeu de l'année. Je veux dire, c'est ça. Là, par exemple, tu vas avoir du monde qui vont te sortir d'autres titres. Hein? C'est quand même une grosse année, il faut dire, côté... Ouais, c'est sûr. Tantôt, là, mais... On a eu des bons titres cette année. Ah, on a des mouvements bons, puis je m'attendais pas à ça cette année. Heureusement, je m'attendais à avoir une petite année, puis j'ai été bien surpris de ce que je voyais comme suggestion de jeu, là. C'est vraiment fou. Mais toi, Stise, qui a une Wii U maintenant. Qui a quoi? T'as une Wii U, là? Non, c'est pas qui a la Wii U, c'est mon ami Nico Ferro qui a la Wii U. Ah, ok, je pensais que c'était toi. Mais c'était une question, vas-y fort. Non, mais là, vu que t'as pas de Wii U, je te ferai pas une suggestion. Ah, comme tu veux. Tu sais, je veux dire. Attends, je devine. Tu lui proposes Skylanders Giant pour... Non, non, non, non. D'essayer Mighty Switch Force HD sur la Wii U. Sur la Wii U? Ouais, sur les eShop, tu peux il y a pas une version de ça sur... Pour DS, ouais. Pour DS. Sauf que la version Wii U est plus difficile, puis il y a plus de trucs. Apparemment, il y a pour le jeu Nano Assault, appelé Nano Assault Neo, est également disponible sur... la eShop de la Wii U, Nano Assault, pour faire un, grosso modo le résumé, c'est le jeu aussi que vous êtes une capsule, c'est un shooter, vous êtes dans le corps d'une personne et vous tirez sur des virus pour les exterminer avec des multiples choix de laser. Ben, il y a une version de ça qui s'appelle Neo sur Wii U disponible. Cool. Fait qu'ils ont actuellement même la eShop pour la Wii U, du moins la première semaine était quand même assez bien remplie. C'est impressionnant. Je pense qu'on pouvait même pré-télécharger Super Mario Wii U avant même sa sortie. Ok. Ah bon. Ça faudrait qu'on me le confirme ou qu'au mieux qu'on me corrige sur si ce que je viens de dire là est vrai ou une niaiserie. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de du topic du podcast. Si jamais vous voulez faire un commentaire, vous allez pouvoir nous l'expliquer ici. Absolument, on aime ça les lire d'ailleurs. C'est cool. Ben oui. Oui, moi, surtout qu'on a reçu un beau message d'un de nos fans qui dit comme quoi qu'il adore le podcast. Ça a vraiment réchauffé notre cœur à toute la gang. On a vraiment trouvé ça cool. Je dirais pas son nom parce que bon, j'ai pas demandé l'autorisation puis je veux pas me faire poursuivre si ça y tente pas. Mais il dit vraiment qu'il adore ça. Écouter notre podcast, qu'il avait envie que notre podcast soit plus à la semaine pour qu'il ait une chance de nous écouter tout le temps. Et en même temps, ben, il nous écrivait comme quoi que il aime ça parce qu'il peut nous réécouter souvent parce qu'il fait souvent de l'entraînement en même temps qu'il nous écoute. Fait que toi, en ce moment, qui est en train de dégoûter sur un tapis roulant, ben, on pense à toi, mon ami. Salut! Alors, c'est ça, c'est vraiment cool que vous me laissez vos commentaires. Mais c'est ça, sinon, à part ça, qu'on jasait déjà, mon Dieu. Ouf, je suis perdu aujourd'hui, moi. Écoute, moi, dis ce que je veux dire tantôt. Que, donc, on parlait de la Wii U, c'est vrai. Rétro, ah oui, merde. Damn. Quoi? On parlait de la Wii U. Ouais, ok. Ouais, t'allais dire de quoi antithèse, mais là, t'as arrêté en plein milieu. Ben, encore, ben oui, là, c'est. Pourquoi? Let's go on. Non, je voulais juste dire que je jouais à Tetris DS sur ma 3DS. Et actuellement, pour faire un commentaire vite, Tetris DS propose des jeux assez intéressants de Tetris. Ah, pour ceux qui n'ont pas joué, là, il y a des belles propositions. Ils ont bien twisté ça, là, le concept de Tetris dans Tetris DS. Ok. C'est tout. Sinon, à part ça, qu'est-ce que vous avez pensé? Gars, je vais t'en partir un, moi, le sujet. Ben. Oui, prends-moi en un. Oui. Mais moi, je t'allais te demander, toi, ton avis en ce moment de la Wii U, des commentaires que tu vois, est-ce que tu as vraiment envie d'en acheter une? Oui. Oui? Oui. Est-ce que vous êtes étonné? Moi, j'avoue que... Moi, je suis largement étonné parce que je m'attendais à ce que ça soit une vulgaire gamique, en quelque part. Ouais. Je m'attendais à ce que même les concepteurs ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'il était pour faire avec la Wii U ou même s'il y avait un intérêt du fait que tu peux jouer avec une seule gamepad style tablette par console. Peut-être que ça... aurait pu rendre les concepteurs réticents. Et ben non, pour l'instant, la Wii U a une très bonne réponse. C'est juste qu'il faudrait faire des tests, comme Giger l'a dit, comme quoi, exemple, tu joues à Super Mario Wii U, est-ce que tu peux jouer à ton jeu pendant que ta console est en bas dans le salon, puis toi, t'es en haut dans ta chambre à coucher? Je pense que c'est possible. Mais ça, je sais pas. Je me rappelle plus c'est qui. Je pense que c'est oui. Pas Laurent Lassalle, Bruno Georget. Il a essayé ça chez lui, puis il a pas été capable de jouer. Lui, c'est un genre, il a sa chambre est au premier étage en haut, puis il n'a pas été capable de jouer. Ah. Fait qu'il y a vraiment une limite. Je pense qu'il doit être à peu près 5 à 10 mètres, à peu près, là. Fait que c'est pas bien ben gros, là. Mais bon, c'est dommage. Ah, puis la Wii Mini. Oui, la Wii Mini, sérieusement. Grosse merde. Ben, surprise aussi, d'abord, premièrement. Je pense qu'on s'attendait pas pantoute qu'ils sortent une Wii Mini. Pas pantoute, non. Mais c'est quoi cette affaire-là? Il n'y a pas de connexion Internet là-dessus. Il n'y a pas de slot de carte SD. Pas de port non, USB. Pour ça, tu manges pas la marde. Pas de Wii Shop. Non, tu manges la marde pour ça. C'est juste, genre, si tu as les jeux. Mais Chris, 99$, là. Ouais. What the 99$ fuck? Pour une console updatée, rouge, avec une bordure noire, qui te permet de jouer à tous tes jeux de Wii, mais tu ne peux pas aller sur l'Internet. J'ai pour ça, mange la marde. J'ai repassé à ça aujourd'hui, là. C'est pour qui, ça? Il n'y a pas juste ça. Ceux qui ont acheté Skyward Sword, il y a une patch qu'il faut que tu télécharges. Et voilà. Tu fais quoi? Tu manges la marde. Ben oui, mais vu qu'il n'y a pas connecté... Sur... l'inclus. Non, mais vu qu'il n'y a pas besoin de se connecter sur Internet, il ne détecte pas qu'il y a besoin d'une patch. Je sais pas. Ils ont-tu pensé à mettre la patch à l'intérieur? M'étonnerait bien gros. Peut-être. Je sais pas. Parce qu'une nouvelle copie de Zelda, ils l'ont. Parce que moi, si je décide de jouer avec mon ancienne copie, je l'ai pas, moi. Je sais pas non, comment ça marche. C'est une bonne question. Faudra faire le test. Maudite bonne question, hein. Mais le pire, là, c'est que j'avais quand même envie d'en acheter une parce que le public cible qui est visé, c'est le monde qui ont quasiment pas Internet, là. Ceux qui veulent laisser ça au chalet. Ouais, mais je veux bien, mais 99$, là. Faut que t'en achètes un jeu. Ça t'en revient 150$ pareil. C'est tout à fait. Je veux dire, check, là, présentement, là. T'as chez Toys R Us une Wii bleue LED, là, bleue poudre, là. Ouais. OK? Puis ça vient avec Skylanders Giant, là. OK. Tu sais, c'est 74$ déjà partant, là. 149$. Ouais. C'est... Pourquoi tu irais acheter la petite crise de Wii Mini quand tu peux avoir un gros kit de Mongol pour juste 50$ de plus? Moi, je laisserais la Wii Mini chez mes parents, puis bon, je pense je serais jamais à ça. Mais je sais que chez Open Shop, à côté de chez nous, il est 20-60. Fait que, tu sais... Ben, c'est ça. Je vais en acheter une à 60$. De toute façon, la Wii normale n'est pas si grosse que ça. C'est pas plus gros non, que des justement. Fait que j'ai pas vu la Wii Mini, je l'avoue. Là, ah oui, la Wii Mini, tu peux pas non plus jouer à des jeux de GameCube. Ouais, ben ça, c'est comme les nouvelles Wii qui sont sorties depuis mi-2011. Ouais. Bon point. De toute façon, moi, regarde, j'ai encore mon GameCube pareil, tu sais. Moi avec. Fait que même si je serais rendu avec un nouveau, je serais content de sortir ma GameCube. Bizarre à dire, c'est mais... ça. Moi, je pense plutôt que c'est un item pour les collectionneurs. Mm-hmm. Comme la Game Boy Micro? Ouais, genre. Sûrement. C'est drôle, on avait aussi cette conversation-là un petit peu sur la le forum. 2. Sur quoi? La Super Nintendo 2, est-ce que vous l'avez déjà eu? Ah, S2, ouais. J'ai entendu parler. Ça n'a pas sorti bien, bien, hein? Ben, non, pas vraiment. Moi, j'en ai jamais vu. J'en ai déjà vu une. C'était mon petit cousin qui en avait un. Puis je trouvais que c'était encore plus cheap que la Super Nintendo normale. Mmh. Déjà que t'avais pas de bouton pour faire éjecter ta cassette. C'était quelque chose. Puis t'avais pas de port pour brancher un fil RF. Dans le temps, c'était utile. Ben, dans le temps, c'est ça, c'était utile. Mais même encore, moi, j'ai ma vieille télé qui ça me servait à ça. Mais t'avais juste une prise pour les fils coaxiales. Ok. Fait que c'est sûr que c'était un petit peu comme. Ouais. Cheap, là. Mais bon. C'est pour quelqu'un qui. C'est parce que dans le temps que c'est sorti, la Super Nintendo 2, je pense que c'était le 64 qui était sorti. Fait que c'était sûrement pour maximiser les coûts. Pour, ça n'a pas fait vraiment de vente et pour internet. Non, pas ben. C'est comme la Virtual Boy, ça. Ça... Ah, ça, j'en aurais jamais. Et voilà. Jamais. C'est peut-être pas en phase et c'est venu aussi vite que c'est venu. Donnez-moi. Alors là, pour ceux qui sont intéressés quand même, la Wii Mini sera disponible cette semaine ou la semaine prochaine. Tu sais? Ouais. Ah oui? Elle n'est pas encore disponible. Elle va être disponible ce mois-ci, mais je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine l'annonce déjà. Comment? Best Buy, il l'annonce déjà. Ben, c'est sûr, ça. Ils veulent des précommandes, qu'est-ce que tu penses? Au moins, ils partent avoir des précommandes. Très. Fait que non, c'est ça, j'étais comme bien, bien surpris de voir ça. Je la trouve belle, je l'avoue, là, je la trouve vraiment belle. Mais bon, c'est un bel item de collection. Ouais, mais je l'achèterai pas. C'est vrai. Dans la même ordre, des consoles, si vous me permettez, messieurs. Ouais. Vous savez, là, je vous en parle de Mini, la PlayStation Mini avec le disque dur de 500 gigs. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant de ses specs et méfaits et tout le tralala? Pour la Wii U? Non, la nouvelle PlayStation 3. Le kit PlayStation 3, là, avec Assassin's Creed 3 qui est fourni avec, là? La nouvelle, encore plus slim PlayStation 3, là. Oh, là, ouais. C'est juste de 500 gigs. Moi, je connais quelqu'un qui l'a. OK. Puis c'est cheap. Oui, c'est vraiment fait cheap. C'est ce que j'ai su également. J'ai su qu'apparemment, ça prend l'éternel et éperdame pour que tu puisses jouer à ton jeu. Le loading est affreux. La console chauffe très vite. Alors, ça, apparemment, ça ne vaudrait pas tant la peine que ça. Puis, plus le disque que tu mets old-fashioned, tu fais juste pousser une porte, puis tu crisses le disque dedans. Ouais, j'ai. Ben, puis en plus, j'ai vu genre que ça se fermait comme hyper cheapette, là. Ouais, c'est full cheap. Puis, il me semble que, tu sais, pour moi, un Blu-ray, c'était comme c'était à la fin, genre des couvertes qu'on fermait, tu sais. Ouais. Oh, wow. Il voulait sauver d'un des coups pour le monde, j'imagine. Mais c'est quand même. Pour une première PS3, c'est bien pour ceux qui viennent juste de s'en acheter. Là. Pour le prix et tout. Moi, j'aime encore mon bon vieux. Parce que t'as un 500 gigs pour 299$, puis au lieu d'avoir un 160 gigs pour 250, pense. À peu près. 250, ouais. 250, le modèle de 100. Ouais. C'est le modèle que j'ai. Bon. C'est le modèle que moi j'ai. Sinon, à part ça, des grosses nouvelles, il n'y avait pas grand chose d'autre. À part les grosses sorties, évidemment, c'est le temps des grosses sorties de jeu, là. Far Cry 2, Far Cry 3 sort demain. On a Assassin's Creed qui est sorti il y a à peu près un mois de ça. Il y a Halo 4 qui est sorti. Oh, c'est fou les grosses sorties là. C'est ça, c'est mis à part les consoles. Là. Mis à part la console, oui. La Wii U, elle sort quand elle? La quoi? La console là, tu sais, celle là, qui vendait sur Kickstarter là. Ah, oh, la Wii U, dans la console Android. En mars? En mars, ok, je pensais que ça sortait au mois de décembre. Non, c'était en mars. Ça, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis assez curieux, oui, puis j'ai déjà précommandé la mienne. Oh! Alors, on va attendre d'avoir des nouvelles. Moi, j'ai vu qu'ils en vendent encore sur le site internet, mais j'ai fait comme, je l'achète pas. J'ai peur d'être déçu parce que je me dis, ça va peut-être être des jeux où également je vais être capable de trouver ailleurs, fait que. Ouais, mais le principe, c'est que c'est fait pour la TV et c'est une console modifiable. J'avoue. Hein. Sinon, passons rapidement. Je pense pas qu'il y a d'autres sorties. Je pense qu'on peut directement se lancer dans les nouvelles. Juste pour vous dire, les accros, pour ce qui est des nouvelles à présent sur le podcast des accros, on va limiter ça aux grosses sorties de soit de jeux ou de grosses nouvelles. Pour ce qui est des news qui étaient plus... qui était moins d'importance. Je vais essayer de trouver une autre méthode pour pouvoir vous en parler, mais je pense qu'on va le tasser du podcast des accros normal afin de donner plus de discussion, de laisser la place plus aux discussions. Puis en même temps, ça permettrait également d'avoir un podcast qui est plus, comment dire, qui soit moins coupé et qui soit plus éternel aussi dans un sens, parce que ça ne serait pas engorgé de nouvelles que vous écoutez pas, puis que, tu sais, dans, mettons, 6 mois, vous écoutez le podcast, ben, tu sais, vous allez entendre des nouvelles qu'il y a 6 mois, tu sais, c'est quelque chose qui est assez plate. Alors, ben, on va se lancer dans notre topic de cette semaine, qui est le, on va parler de, des suggestions de cadeaux de Noël. Noël s'en vient, veut pas, on est le 3, il reste à peu près 20 jours pour Noël. Grosso modo, à peu près, qu'est-ce qu'on recommande, nous, les accros, pour les cadeaux de Noël? Pour des cadeaux de Noël geek, on s'entend. Alors, on va y aller avec des consoles qui sont récentes. On va y aller également avec peut-être des idées cadeaux rétro. Et on va finir ça avec des goodies. Alors, on va commencer côté gros jeux. On va mélanger Xbox 360, Wii U, PS3... pour vous, les gars, quel jeu que vous aimeriez recevoir dans votre bonne Noël cette année qui sortirait dans ces trois consoles-là? Ben, moi, je suggérais Skylanders Giants. Ah non! Je suis pas surpris. Pour tous les enfants de cette planète qui aiment jouer aux Pokémon, et etc., Skylanders Giants, c'est le cadeau idéal pour quand t'as des enfants, c'est certain. Surtout que Skylanders, tu viens de mentionner Pokémon, puis ça tombe bien, je suis dans la comparaison avec Pokémon récemment. C'est mieux que Pokémon, ça a plus de personnalité, ça a plus de vie que Pokémon. Oui, moi aussi, je trouve. Ben, tu vois le petit bonhomme Trigger Happy qui... il a de l'air d'avoir deux ou trois boulons qui ont sauté dans la tête, là. C'est comme, ouais, c'est vrai qu'il y a plus de personnalité que tout, là. Ouais, ben déjà, en partant, les personnages ont des personnalités, parce que, à ce que je cherche, les Pokémon, ils ont pas vraiment de personnalité, là. Non, c'est vraiment pas. Puis même les personnages, c'est pas très... c'est pas les gros chars, là. Tu vois que c'est fait pour enfants primaires internet. Mais en pensant, quand je dis ça, c'est pas forcément non plus pour insulter les jeunes adultes et adultes qui jouent à Pokémon. Attention, il y a une grosse différence entre l'émission qu'on voit à la télévision, puis les jeux de cartes. Ouais, puis les jeux de RPG, puis tout ça. Il y a une grosse différence. Je peux comprendre le principe d'être fan de Pokémon. Moi, par contre, ça ne m'attire pas. Mais c'est un jeu comme un autre. À ce moment-là, chacun ses goûts. Mais l'émission... Non, ça, c'est vraiment fait pour les jeunes en bas de 6 ans. Faut pas se le cacher. Faut vraiment pas se le cacher, s'il vous plaît. C'était plate. Moi, je me rappelle j'ai été voir le 2 au cinéma, puis j'étais comme... Ah, oh, c'est quoi cette histoire-là de merde, là? J'étais quand... T'es allé voir ça au cinéma, ben, ma cousine, elle voulait y aller. Elle avait... Pokémon 2000? Ouais, Pokémon 2000, elle avait comme 7 ans, 8 ans. Donc, j'en avais 12, 13. Fait que, tu sais, j'étais comme... T'sais, comme grand cousin, puis qu'elle se faisait garder par moi. Ben, tu sais, j'étais très gentil pour l'amener. Bon. Mais, tu sais, est-ce que je m'en veux une... Tu sais, non, parce que j'ai quand même la carte qu'il donnait en même temps quand tu rentrais, là. Puis tu fais ça pour ta petite cousine, fait que tu sais, ça va, là. C'est ça. Mais tu sais, ils m'ont quand même donné une carte, puis tu sais, je check sur Internet, elle vaut quand même 40$, tu sais. Comme, ok. Ouais, c'est bon. J'ai gardé encore, tu sais. Ben oui, ouais, beau souvenir. C'est sûr. Sinon, à part ça, qu'est-ce que t'as à suggérer multiplateforme, Sylvain? Au point de vue multiplateforme, ben, Assassin's Creed 3, mais d'après ce que j'ai compris, il est full buggé, donc je le recommande pas. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ça a l'air qu'il est buggé à grandeur. Je sais pas pour ça la version Wii U, mais ça a l'air que sur les autres consoles, c'est buggé comme l'enfer. J'allais le recommander, mais plus j'en entends parler, moins j'ai envie de le recommander. Et toi, t'as pas ta version en plus? Hein? Dis toi, t'as pas ta version en plus? Non, j'ai pas encore joué, puis j'ai pas encore ma version parce que j'attends d'aller m'acheter une Wii U pour l'avoir. Ok, donc. Fait que je suis pas sûr que je vais être capable de le recommander à ce moment-ci, là. Non, hein? Puis dans ce qui est multiplateforme, je veux dire, je vais t'avouer que je suis pas vraiment au courant de ce qu'il y a dans toutes les plateformes, à part peut-être un jeu que j'aime bien, je sais pas si vous connaissez Scribble Notes. Oui. Moi, j'aime bien ça. Puis il y a Scribble Notes Unlimited qui est sur toutes les plateformes, incluant PC. Oh, c'est intéressant. Il l'a sur Steam aussi, fait que si vous avez un PC et vous aimez Scribble Notes, vous pouvez y aller chercher là. Puis, c'est ça. C'est un des jeux de plateforme que je recommande. C'est toujours bon. Ça. Ok. PL, toi, de ton côté, côté multiplateforme, qu'est-ce que tu proposes? Multiplateforme. J'ai le goût de recommander vraiment BioShock. Donc, je suis désolé, je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. C'est quand même un vieux jeu, par exemple. Mais ça, c'est l'alarme à tout votre argent. Si vous le trouvez, achetez-le. Parce que la personne avec qui vous allez offrir on l'espère, là, je veux pas non plus être conditionnel, va être content de voir un jeu qui, d'ailleurs, est devenu assez rare, assez dur à trouver. De l'autre côté, il y a un jeu plus récent, à peu près dans le même style, puis imaginez, moi, en plus, je suis un peu comme un rétro là-dessus, je suis pas vraiment un gros fan des jeux de première personne, mais Dishonored, on essaie de me dire qu'il est excellent. On essaie de dire que c'est un jeu parfait. Alors, mais moi, cependant, juste, moi, j'ai pas essayé Dishonored, mais plusieurs m'ont dit que c'était littéralement le jeu parfait. Ok. Moi, de mon côté, ma suggestion, Zipaphone, que vous allez pouvoir retrouver quand même facilement, puis j'ai bien aimé jouer avec, c'est Max Payne 3, qui est sorti au début de l'été à peu près. Sérieusement, je pense que c'est un gros oublié, c'est un très très bon jeu, j'ai bien aimé. L'histoire est bonne, l'action est dedans, j'ai vraiment capoté. Puis des fois, lorsque si vous le vérifiez là, sur Steam, souvent, là, il tombe en spécial rapidement. Fait que si vous voulez l'acheter pour Steam, là, je vous le conseille là, fortement. Là, des fois, il peut tomber à 30$ là, à la place d'être à 60. Wow. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup l'action, ça va être un gros must. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est si vous jouez en multijoueur, c'est le même multijoueur que vous allez avoir dans Grand Theft Auto 5. Fait que vous allez c'est-à-dire le crew que vous préparez dans Max Payne 3, ben vous allez pouvoir le télécharger dans Grand Theft Auto 5. À moins que ça ait changé récemment, mais c'était dans les... Mais sinon, moi, de mon côté, rapidement, Darksiders 2. Comme, ah, c'est bon ça, Darksiders. C'est fucking bon, là. On m'a dit la même chose. On dit la même chose, parce qu'apparemment, il n'y a pas de rejouabilité, mais sinon, oublie la rejouabilité, là. Ça, c'est un autre. Apparemment, on me dit que c'est un autre chef-d'œuvre. J'ai pas joué à Darksiders 2. J'ai commencé Darksiders 1, puis. Je m'en veux On parlait tantôt qu'on avait trop joué à jouer, mais c'est ça. C'est ça, c'en est un, hein. C'en est un! Je trouve également. Ouais, ça, c'en est un autre. J'ai surtout, commencé aussi, j'ai pas eu le temps. Surtout que Darksiders 1, vous pouvez maintenant le trouver neuf en Greatest Hits à 20$, alors c'est un. C'est un bel investissement, ça ferait un méchant beau cadeau. Eh oui. Alors, c'est pour ça, pour ce qui est des jeux de plateforme, on va embarquer dans les consoles spécifiques. Alors, oui. Ben les gars, je vous forcerai pas à offrir des jeux qui sont pas sur votre console, mais je sais quelle console vous avez chacun. Fait que je vais commencer quand même avec Sylvain, avec sa Xbox 360. Est-ce que tu as une exclusivité à proposer? Xbox Live Arcade... Dust. Dust? Ouais, Dust, An Elysian Tale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce jeu-là? C'est un genre de Metroidvania qui a été fait par une seule personne, toutes les graphiques, programmation, etc. Ok. Et puis, c'est vraiment beau, là. Sérieux, là. C'est tout des dessins à la main, les personnages, puis l'histoire est super bonne. Si vous aimez les Metroidvania, les Castlevania Symphony of the Night, puis des genres de trucs-là, okay. Ben, moi, je vous suggère fortement d'aller chercher ça sur Xbox Live Arcade. Répète-moi le nom, le titre, s'il te plaît. Dust. D-U-S-T ou... Oui, ouais, D-U-S-T. Ça. Le personnage principal s'appelle Dust. Alors, ta suggestion, c'était ça. Dust. Moi, j'irais avec un petit jeu de course. C'est rare que je parle de jeu de course, mais Forza Horizon, ça a l'air très très bon. J'ai pas encore la chance d'y jouer, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus Forza que Gran Turismo. Tout simplement pour la qualité, le tuning, je trouve que c'est plus le fun de le faire là-dessus. Puis j'imagine que Forza, le nouveau Forza va être très très bon. Alors, si vous cherchez un jeu de course pour la Xbox 360, je pense que c'est le must-have à avoir pour le bon Noël cette année, pour ce qui est de la Xbox 360. Antithèse, une exclusivité PlayStation 3, est-ce que tu en as une en tête? Une particulière. Une particulière, écoutez bien ça. Sony offre plusieurs de leurs jeux en bundle avec une manette sans fil officielle de PlayStation. Oui. Alors, on sait tous que malheureusement, si vous l'achetez des manettes supplémentaires, ben, ça coûte quand même assez cher. Oui. C'est entre 50 et 60$ à peu près. C'est ça. C'est dans ces prix-là. Et je pense que c'est la même chose. Exemple, c'est pour autant Xbox que même la Wii. Oui. Ce que Sony a décidé de faire, c'est que je donne un exemple assez intéressant, c'est qu'il offre une manette sans fil rouge, ça fait les prix, c'est 55$, et le bundle vient avec le jeu God of War Saga. God of War Saga, ce qui veut dire, ce sont les 5 jeux de God of War, ce qui veut dire les 3 jeux sur PlayStation 2 et 3, ainsi que les 2 autres jeux sur... PSP. La PSP. Fait que tu arrives, tu donnes une manette supplémentaire à ton à l'heureux ou l'heureuse élue. Et sinon, cette personne-là peut enfin avoir une seconde manette, ce que plusieurs personnes reprochaient un petit peu des consoles récentes, c'est de pas donner assez de manettes, justement. Effectivement. Et en plus de ça, vous avez non seulement un CD, un DVD, mais un DVD qui contient 5 jeux. Fait que pour ça, ça vaut quand même pas pire la peine. Vous avez également la même chose pour... je pense que vous avez la même chose pour les deux jeux d'Uncharted. Pour le même bundle, mais c'est une autre couleur. Les Jack, et pour les jeux de Jack, c'est également notre... Encore là, comme fois de couleur. Je pense quelque chose comme 4, entre 3 et 5 bundles différents que Sony offre, qui vous permettent d'avoir un jeu, mais également une manette. Alors, votre jeu est quasiment gratuit lorsque vous achetez, dans le fond, lorsque vous procurez une nouvelle manette. C'est très intéressant. Je pense que je vais y aller du même côté que toi pour ce qui est de ma suggestion. Mis à part, j'avais envie d'essayer Battle Royale, qui est le Smash Bros. De PlayStation 3. Je sais pas si c'est bien ce titre-là, là, je vous avoue. C'est PlayStation All-Star Battle Royale. Ouais. Okay. J'ai vu des images. J'ai vu aussi qu'il y a une YouTuber qui nous suit qui s'appelle Vlex, qui fait un let's play directement sur Internet. Si vous voulez aller voir sa chaîne, allez-y. Je pense que c'est Vlex. Je vais aller voir rapidement. Mais elle fait des très bonnes vidéos. Puis ça va l'air intéressant, sérieusement. Ça ressemble vraiment à un Smash Bros, mais avec les personnages de PlayStation. C'est vraiment cool. Sinon, à part ça, pour ce qui est de... pour ce qui est du... d'un bundle en particulier, je pense que je vous proposerais celui de du jeu comment ça s'appelle? Little Big Planet? Non, pas Little Big Planet, c'est un jeu d'action, le gars qui est électrifié. Hein? Le gars qui a le pouvoir d'électrique, là, je m'en rappelle plus. C'est Infamous 1 et 2. Avec la manette, au même prix. Oui, c'est sûr que vous avez moins de jeux, mais Infamous, c'est tellement gros et c'est tellement le fun comme jeu là, que vous allez triper sérieusement. Moi, je vous propose d'essayer ce bundle-là. Pour le même prix, vous avez une manette et deux jeux qui sont très gros, qui sont très le fun puis que l'histoire est vraiment poignante. Là, vous allez vraiment aimer ça. Nice. La Wii U, rapidement, je pense que je vais laisser Antithèse proposer ses choix, mais on peut également proposer également... Quel titre que les personnes pourraient acheter? Parce que présentement, je vous dirais que tous les jeux sortis pour la Wii U peuvent satisfaire tout le monde. Que ce soit pour Nintendo Land, ou Rabbit Land, ou Zombie U, ou Batman Arkham City, Armored Core. Le choix est là. Vraiment, c'est... C'est vraiment, on peut plus ou moins se tromper avec la Wii U dans le moment présent de la sélection qu'elle offre. Toi, Sylvain, qu'est-ce que tu proposes rapidement sur la Wii U? Y a-t-il un jeu selon toi qui mérite un achat? Mais pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose sur la Wii U. Par contre, New Super Mario Bros. Wii U... Je suis du même avec ça, toi. Ça, c'est toujours le parfait. Là. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi aussi. Je m'en allais dire ça. Je pense que c'est un must-have à avoir. Si vous avez une Wii U, je pense que c'est le jeu qu'il aurait dû donner avec. Ouais, effectivement, mais il allait trop faire de perdre de l'argent en vendant des bundles, fait qu'ils se sont dit ouais, non. Sinon, passons, on va aller directement dans les consoles portables. 3DS. Oh god. Suggestion, les gars. Écoutez, il y a tellement de jeux intéressants dans la eShop. C'était aussi bien de. Ah, peut-être j'en profite pendant qu'on est là. After, il y a des cartes. Il y a des cartes Nintendo eShop qui marchent autant sur la Wii U que sur la 3DS. Mm-hmm. Là où c'est intéressant, c'est que vous avez les habituelles cartes de 20$. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les cartes eShop. On rachetait à cela les cartes de 50$. Donc, maintenant, c'est exactement comme la PlayStation Network. Qu'est-ce qui est intéressant de la carte Nintendo eShop? Vous avez un entre-deux. Ce qui veut dire une carte à 35$. Alors, si pour vous, 20$, c'est trop peu, mais 50$, c'est trop, ben, vous avez encore la carte vous avez encore la possibilité d'une carte à 35$. C'est vu que sur la 3DS, vous pouvez télécharger plusieurs classiques possibles. Alors, c'était littéralement, c'est un petit peu cheapette de peut-être offrir une carte. Non, t'es pas d'accord avec moi, Retro? Hein? Excuse, quoi? Ok, c'est bon. Oh my god! Je pense que j'ennuyais Retro, désolé. Non, tu parlais des cartes là, de eShop. Oui, je disais peut-être que c'est cheap d'offrir une carte cadeau. Non. Mais en même temps, ça fait toujours plaisir. Après tout, tu disais à personne. C'est tout ce que tu veux. Et oh ouais. Voilà. C'est ça. Puis souvent, dans une collection. Quelqu'un qui a une collection, là, des fois, tu veux pas te tromper, tu veux pas racheter le jeu deux fois. C'est la meilleure façon. Si tu offres une carte cadeau. Oui. Ça, je suis d'accord. Sinon, pour la la 3DS, pardon, je vous donne le choix. Si vous n'avez pas Torchlight, ben prenez-vous Heroes of Ruin, ça sent très bon. C'est pourquoi, en partant, je n'ai pas Heroes of Ruin moi-même, c'est parce que j'ai Torchlight, et Torchlight me satisfait. D'autre côté, ben il y a Professor Layton et The Miracle Mask, qui non seulement gagnent en popularité, mais elle est très justifiée. D'autant plus que vous pouvez, pendant un an, comme en débutant à sa sortie, télécharger un puzzle par jour. Ce qui veut dire que vous pouvez remplir votre 3DS de 365 puzzles de plus pour le jeu Professeur Layton sur 3DS. Ça fait que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, là. Pour les Layton et The Miracle Mask sur 3DS, absolument. C'est toi, Retro, qu'est-ce que tu proposes sur la 3DS? À part des jeux sur les eShop, rien. Y a rien? Non. Y a rien qui t'attire? Non, je trouve que cette année, il n'y a pas sorti grand-chose d'intéressant depuis. En tout cas, moi, personnellement. Oui, oui, oui. À part. OK. C'est pas vrai. Non, je peux en recommander un que j'ai resté jamais dessus longtemps. C'est le jeu de Final Fantasy Territory Rhythm. Moi, j'ai aimé. Puis j'ai joué en maudit à part ça. Puis je pensais vraiment que ça allait être plate puis tout ça, mais finalement c'est super génial. Si vous aimez la musique de Final Fantasy puis que vous voulez essayer quelque chose de nouveau avec un stylus, ben c'est le jeu parfait là. Fait que je peux recommander celle-là. Ok. Au moins. Moi de mon côté pour ce qui est de la 3DS, moi je vous recommande le nouveau Paper Mario. Sticker, je le trouve bon. Sérieusement. Oui, je l'ai essayé. J'ai trouvé ça poppé. C'était bon. OK. C'est pas le meilleur de la série, mais j'ai bien aimé ça. Sérieusement, je trouvais que le jeu était le fun. C'était pas trop compliqué. Puis, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé ça. Ça tombe. Je pensais peut-être me le procurer. Fait que, par en plus, s'il te plaît, si tu le peux. Ben, c'est ça. C'est que l'histoire, c'est comme la plupart des Paper Mario. Bon, le monde de Paper Mario se fait envahir par un nouveau monstre qui est pas Bowser. C'est vraiment le fun parce que cette série-là, c'est Bowser, il est pas vraiment présent. Les pouvoirs de Mario cette fois-ci, c'est qu'il ramasse des stickers qui se rajoutent, donc ça lui donne des bonus de force, des bonus d'attaque. Ça peut lui donner des nouvelles armes, ça peut lui donner des nouveaux moves. Puis à chaque fois que tu utilises ces stickers-là, ben c'est ça, tu attaques les ennemis avec ça. C'est vraiment cool. Je pense que je vous conseillerais cependant d'essayer les autres Paper Mario auparavant. Je sais que le premier Paper Mario qui est sorti sur 64 est disponible sur le Wii Store, là, le Wii Shop. Là. La eShop ou la Wii Store, vraiment? Le Wii Store, celui sur le Wii. Il est disponible là-dessus. Moi, fait que, ça? C'est vrai. Je vous conseille fortement si vous aimez les RPG. C'est vraiment un RPG. Mais c'est vraiment bon. Moi, j'ai bien aimé ça. Sinon, New Super Mario Bros. 2, je pense que c'est un must-have pour ceux qui aiment Mario Bros. Là, avec les défis de coins, là, je pense que c'est le... Puis il y a du DLC en plus. C'est ça. Donc, si vous cherchez en plus à rallonger le jeu, ben, c'est possible avec ce petit jeu-là. C'est vraiment cool. Cool. La Wii, je pense qu'on va pas l'oublier. La vieille Wii. Parce que oui, il y a quand même des jeux qui sont sortis cette année avant la Wii U. Faites un jeu de mots. Oh, oh, oh. Oh oui. jeu de mots que je viens de sortir. Alors, c'est ça, il y a quand même des jeux sortis. Votre suggestion, les messieurs, c'est qu'est-ce que vous offrez les jeux qui sont sortis cette année? Cette année? Rétro. Oui. Qu'est-ce qui est sorti cette année? Il y a eu Kirby qui est sorti. En plein le jeu que j'allais suggérer. Kirby, Kirby Dream Land, Return to Dream Collection. Ah, le Collection, ben oui. Mais par exemple, Kirby's Collection, il faut aimer Kirby et vieux Kirby. Ouais. Si t'aimes pas les vieux Kirby, oublie ça. Ou t'aimes pas ce que vous manquez. Non, c'est sûr, mais il y en a qui pourraient, les nouvelles générations, dire « Ah, c'est lettre en 2D, bien ok, fine, sure. » Bon, mais il faut vraiment avoir un intérêt particulier pour les vieux Kirby. Puis... Effectivement. Sinon, à part ça, Xenoblade? Oui. Last Story. Je pense que c'est deux très bons jeux qui vont probablement être dans mon top 10 des meilleurs jeux. Ça oui, je pense que c'était des très bons jeux qui sont sortis. Mm-hmm. J'ai vraiment apprécié beaucoup. Sinon, pas ça rapidement, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est vraiment des gros jeux qui sont sortis, ça oui, ouais, qui sont vraiment bons. Puis je trouve que c'est des jeux qui ont été souvent boudés par les gens. Parce que probablement que le monde a déjà serré leur oui quand ces jeux-là ont sorti. Mais ça vaut vraiment la peine, sérieusement. Je vous conseille de ressortir votre Wii juste pour ces jeux-là, ça vaut vraiment la peine. PSP, j'ai pas de suggestion moi de mon côté parce que j'ai pas joué. Vous autres, est-ce que vous avez une suggestion? Assassin's Creed 3 Bloodlines, c'est ça? Ouais, c'est pas Bloodlines, mais non. En tout cas, truc. Assassin's Creed 3 pour PS Vita. Ok. PS Vita, c'est Liberate. Ouais, c'est ça, Liberation ou Liberate, genre. Je pense qu'il y a eu des bonnes critiques partout. J'ai pas vu la partie jouer, mais j'ai vu des très bonnes critiques, là. Moi, j'ai vu quelqu'un jouer, puis ça avait l'air très le fun. Oh, intéressant. Sinon, par ça, côté PC. Quand tu rentres côté PC, là, tu peux avoir des tonnes, parce que Steam te donne des opportunités innombrables. Exact. Durant le temps des fêtes, de t'amuser et te backloguer dans les jeux pour les 30 prochaines années. Mm-hmm. Puis si c'est pas Steam, ça peut être si les... merde. C'est quoi? Il y a d'autres sites qui offrent des jeux complets autres que Steam. Il y a GOG.com. Comment? GOG.com. Exemple. GoodOldGames.com, ouais. Exemple. Mais je pense qu'on a encore plus de liens de disponibles sur le forum des accros dans la section jeux vidéo sous l'onglet PC. C'est juste que je suis désolé, les sites ne me viennent pas en tête là. Il y a 5 minutes, oui, mais là, parce qu'on en parle, paf! C'est pas grave. T'allais prendre les liens, ma mémoire, t'allais prendre des vacances. Okay. Ben, si je peux en suggérer un, moi, sur Steam, c'est Jamestown, qui est un shooter, finalement, comme un space shooter vertical. OK. Puis, c'est tout des graphiques, là, style old school 16-bit, là, avec des effets plus évolués. Puis, la musique est super bonne là-dedans, les tableaux sont bien designés, là, puis c'est vraiment là, des trucs de bullets, là, comme les shooters qu'on connaît, là. Okay. Il y a beaucoup de bullets. Il y a beaucoup de choses à éviter. Puis, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à tuer. Ah, c'est cool ça. Puis, c'est super intéressant. En tout cas, moi, je suis c'est. J'aurais jamais pensé à James Pound s'il ne l'avait pas eu dans le Humble Bundle l'année passée. Là. Ok. Toi, rétro, est-ce que. Pas rétro. Antithèse, est-ce que tu as quelque chose à proposer rapidement? Tu parles en tout et partout ou tu parles. PC. Ben, écoute, c'est... je l'ai fait. Si vous jouez à des jeux rétro, à des jeux rétro comme Seven Guests, Phantasmagoria, des jeux dont on ne tente pas vraiment, c'est ça, comme j'ai dit, le nom des sites, je l'ai dit à le bout de la langue, mais sinon, je sais que les sites, les liens sont facilement trouvables dans la section de PC, dans la section qui est une sous-section de la rubrique jeux vidéo sur notre forum sur accrodesjeux.com. OK. Moi, de mon côté, pour ce qui est de Steam, il y a deux choses que je peux vous proposer. Premièrement, il y a tellement de choses sur Steam que c'est quand même bien aussi d'acheter une carte cadeau. Il y a des cartes cadeaux de ça? Oui, ça existe à Star, des cartes cadeaux. Ah oui? Oui, c'est eBay Games qui vendent ça. Nice. Ah oui? Je savais pas. Oui. Alors, vous pouvez aller chez eBay Games, ils vendent des cartes cadeaux à Star de Steam. Je pense que c'est de 20$ ou 50$ max. Je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez offrir sur Steam. Mais sinon, si vous cherchez spécifiquement un jeu qui est sorti cette année, j'irai avec Retro City Rampage. Ah, ben oui. C'est bon. Malgré que j'ai beaucoup de recommandations à faire sur ces contrôles, je trouve que ça n'a vraiment pas l'air d'un jeu 8 bits quand tu as à peu près 10-15 boutons à utiliser. Là. Mais ça vaut quand même la peine. C'est vraiment cool comme jeu. Si vous aimez les grandes photos, c'est probablement votre genre. Puis si vous foutez un petit peu d'histoire, ben vous allez pouvoir sauter dedans sans problème. Ok. Je pense qu'on va aller dans le rétro là. Le rétro! Alors, un jeu rétro que vous, les gars, vous aimeriez recevoir. Ou bien qui a de l'air du style rétro. Là. Okay. Définis rétro. Est-ce que toi, tu parles... Avant 2000, mettons. Avant 2000? Ouais. Ben, c'est endless. C'est endless. Ben, c'est penser à quelque chose unique. Quelque chose que... tu sais, je veux dire... comme moi, je vais y aller tout de suite avec ma suggestion à moi. Moi, ce que j'aimerais recevoir, là, c'est une copie de Battle Kid Fortress of Peril sur NES. C'est pas la première fois que t'en parles, celle-là. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas la première fois que t'en parles. C'est pas la première fois que j'en parle, puis je le veux vraiment. Je vais l'acheter, cette cassette-là. Qu'est-ce que t'attends? Ben, ça va venir, Monday, là. Quand il va la trouver. Il n'y a pas besoin de la trouver, hein, qu'elle est sur le site de Retro USB, machin, puis acheter. Ben, c'est parce que ça dépend, hein. Ça a été... C'est la quatrième batch qu'ils font, celle-là. Là. Il y a trois patchs qui sont découlés d'ici temps-là. Là. Ils ont été sold out. Mais qu'est-ce que t'attends? Je vais l'acheter à un moment donné, là. Gars, moi, je le fais là, là. OK, achète-le, là. Go, rétro, ben, go. Sérieusement, ça a l'air tellement bon comme jeu NES. Puis, je vois les critiques, là. C'est vraiment du 8.5, du 9. Pour un jeu qui est fait comme oui récemment, ils ont vraiment été capables d'aller chercher tout le style de NES dans ce jeu-là, là. C'est vraiment cool. Ça a l'air vraiment d'un bon Mega Man en plus, là. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Est-ce que ça vous donne des idées, les gars? Puis il est pas cher, hein, en passant ton Battle Kid. 30$, hein? Ouais, 30$. C'est pas spire. Ah, c'est en tout cas. Sinon, rapidement, j'ai peut-être une autre suggestion. Ouais, t'as des idées. Moi, sur NES, il y a également un autre jeu qu'ils font en reproduction qui s'appelle Mother, qui est le prequel de Earthbound. Oh, nice. Alors, il y a une copie qui existe à Star sur Internet. Vous pouvez l'acheter. Ça marche dans votre Nintendo, c'est une copie qui est traduite. Non, je pense que le pire, c'est que le jeu il a déjà été traduit auparavant par Nintendo, mais Nintendo l'ont jamais sorti aux États-Unis. Exact, oui, j'ai entendu la même histoire. En fait, le jeu était prêt à 95 ou même 99%, et Nintendo a juste décidé de retirer la plug juste parce que ça leur tentait. Ouais. Ben, pas nécessairement parce que leur tentait. La raison est tellement nébuleuse. Mais, et en même temps, en business, ils n'ont pas besoin de s'expliquer. C'est des choix de business, puis souvent, il y a d'autres choses en arrière que nous, on n'est pas au courant. Travailler dans une business où on discontinue un produit parce qu'il y a telle et telle raison légale dont on ne peut pas dévoiler pourquoi. Je suis peut-être plus en mesure de comprendre pourquoi ils décident de faire telle chose. Raison légale, d'accord, mais en même temps, s'il y avait le green light pour pouvoir le faire, pourquoi soudainement il y aurait eu un red light? Ben, une étude de marché qui montre que ça ne vendra pas, ou un truc légal qui empêche une telle affaire Je pense que le temps qu'est sorti Mother 2, je pense que la Super Nintendo venait à peine de sortir. Ouais, je pense que oui. En plus. Fait que probablement ça a joué dans la balance également. Là. Tu sais, c'est la même raison pour laquelle on n'a pas eu le Super Mario Bros. 2 du Japon, parce que c'était essentiellement la même chose que le premier, sauf avec des nouveaux levels. Puis pas mal plus tough. Ouais, pas mal plus tough, mais tu sais, il n'y avait rien de vraiment nouveau à part la toughté et les levels. T'sais. Ouais. J'ai inventé un verbe, là. Ah, oh, c'est pas grave. Tofté. Tofté. Tofté. Fait que c'est ça. De mon côté, en tout cas, c'est mes deux suggestions. Si vous voulez vraiment gâter votre rétro gamer, ben. Ben, Battle Kid. Ou Pierre Solar sur Genesis. Oui. Alors, les gars, rapidement, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à proposer là-dessus? Bah, non. Non. Pas moi. Non. Non plus. Allons-y avec le goodies, là. Alors, ce que j'entends par goodies, ça peut être un gadget, ça peut être quelque chose qui est unique. Ça peut représenter un personnage, ça peut représenter également un gadget techno, whatever. Qu'est-ce que vous proposez? Tassimo! Une Tassimo? Quoi? Une machine Tassimo, et Marilyn approuve en plus. Tout gamer qui se respecte et qui veut pas avoir à se faire chier faire du café avant de gamer, Tassimo for the win. Oh, intéressant. Puis il est en spécial présentement chez Best Buy à 79,99 avec une remise postale de 20$. Mon Dieu, on va-tu recevoir un petit crédit de... on va-tu de l'argent pour la pub que tu me fais là? Tout le monde va être contente que je viens de parler de ça parce qu'elle en veut une. Ah! Ah, Gadon! Marilyn, elle veut ça aussi. C'est ça elle me fait signe en ce moment. Ah ben, Gadon! On va te chercher des airbags avec ça. Alors, Antithèse, toi de ton côté, qu'est-ce que tu proposes rapidement? Comme goodies, honnêtement, j'ai pas d'idée vraiment qui me vient à l'esprit, désolé. C'est sûrement un gadget quelconque, là. Ben sinon, excuse-moi, moi être comme toi, puis moi être comme Ben, moi être tendance à vouloir suggérer une tablette pour son utilité, puis sa versabilité, mais on a déjà touché le sujet. Okay. Pourquoi qu'on a déjà touché le sujet? On en a parlé tantôt, on en parle souvent dans les podcasts. Comment? Tu peux en suggérer un pareil? C'est parce qu'en même temps, c'est... Je me sens mal en même temps parce que j'ai juste fait l'expérience des tablettes. Je n'ai pas de tablettes qui m'appartiennent. Parce que sinon, moi, j'aurais le goût de vous suggérer... qu'est-ce qui fait souvent plaisir aux gens aussi. Ça peut être des manettes Logitech. Ben oui. Ah oui, ça c'est toujours recommandé. Qu'est-ce qui est ressorti récemment? Oui, si vous allez chez eBay Games, il y a une manette offerte officiellement pour l'Android. Même si... Ouais, j'ai vu ça. Hein? J'ai vu ça aussi. C'est combien? Hein? Une quarantaine? 30. 30 piastres? 30 piastres. Ouais, c'est tentant. Hein? C'est tentant. Rétro va aller l'acheter demain. Hein? Attention. On ne sait pas. Non, pas demain. Hein? Cher Epic Game, ayez une manette pour Retro Gamer PQ ou sinon il va vous casser la gueule. Non, regarde, on se met pas à dos un magasin. Non. Ben non. J'ai déjà... pas des blagues. Et on a déjà une compagnie qui est contre nous autres. Là. Ah oui, vraiment? Ben, je t'avais-tu compté l'achat du gars de chez... C'est un de mes anciens podcasts que j'avais parlé, comme quand j'étais fait insulter par un vendeur, là. Il m'avait envoyé chier, là. Oui, là. Oui, mais... Ah, le classique, lui, là, c'était comme... Compétent, lui. Mm-hmm. Totalement incompétent. Je l'ai vu, puis gars, il travaille plus là. Ah non, il travaille plus là, c'est sûr et certain, mais même à ça, ça m'a fait enlever le goût d'y aller. Non, je te comprends parce que sans trop racheter de l'huile sur le feu non plus, ben leur service est mieux, oui, mais leur choix, ben ça diminue. Moi je trouve que c'est pour ceux qui ont ce magasin-là, là, je trouve qu'ils vendent extrêmement cher comparé à d'autres places. C'est ça. Puis je suis sûr que c'est parce que leur business, là, c'est vraiment de racheter à des peanuts puis de revendre ça 20 fois le prix. Comme les Hey! Hey, Blast, je pense un PlayStation 1, un jeu de Blast Dancer ou Blast Drop, mais en plus c'est quoi le titre exact? Ouais. Ils vendent 300$. C'est totalement con. J'ai vu une copie d'Earthbound qui vendait à 350$. Voyons donc. Ouais, tabarnak, complète? Complète. Ça vaut combien, ça, Earthbound? 150, 160, je pense, sur eBay. Tu penses? Je vais regarder rapidement sur eBay. J'ai déjà vu sinon, je vais y aller avec mes suggestions, sinon. De goodies, j'ai deux goodies à vous proposer pour vous les accros. Premièrement, pour les gamers, je pense qu'il vient de sortir un nouveau mot. Pour ceux qui jouent sur le PC, je vous recommande le petit frigidaire USB. Okay. Ça, c'est pas la première fois que tu le recommandes. C'est pas la première fois que je le recommande, mais je trouve tellement que ça vaut la peine que d'en avoir un, parce que tout simplement, ça garde votre canette de liqueur froide. Ou votre verre d'eau. Non, mais tu sais que tu pognes ça. Tu peux le trouver sur thinkgeek.com. Ah ouais? Oui, ouais, monsieur. C'est 20$. Ça me permet. Mais bien, pour avoir un mini frigidaire de la grosseur d'une canette de 591 ml que tu peux que tu peux la mettre là-dedans, puis. Tu peux même mettre ton café aussi. Yes. Il tient au chaud. Ah, c'est vrai? Oui. Je te ta jure. Ta gueule. Et c'est ça qu'il annonce. J'en veux un. C'est la vérité. Fuck, j'en veux un. Je te link ça, là. Mais tu vas vraiment le voir, sérieusement, là, c'est vraiment cool. Link-moi ça, certain, je m'en achète un tout de suite. ThinkGeek.com. Moi, je suis là, je pendant qu'on parle et qu'on fait le podcast, j'achète plein d'affaires. Ah, oh, mais. Ouais, mais trouve... c'est, je pense que c'est quasiment le podcast pour. Ouais, quasiment. Oui. Aujourd'hui, là. Oui, regarde, il y a plein d'affaires. Puis, sérieusement, c'est un must-have. Pour 20$, vous avez un petit frigeur qui. Vraiment vous permettre d'avoir un, votre consommation au froid. Là, je la cherche pendant ce temps-là. Ma deuxième suggestion, c'est pour les tripeux Star Trek. C'est un petit panneau que vous installez à côté de la porte qui a l'air vraiment d'un panneau de Star Trek, la série originale. Lorsque quelqu'un veut rentrer dans votre chambre, il doit sonner. Et après ça, il ouvre la porte, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne fait pas, ça enclenche une alarme. OK. Donc, quand vous avez envie d'être tranquille, ben, ça vous donne juste le ça donne juste le ça dit juste au monde finalement de juste sonner à la porte. Je trouve ça drôle. Ok. Mais ça peut vous devenir gossant en bout de ligne. Ça peut devenir gossant, surtout pour ta blonde, j'imagine, qui veut rentrer tout le temps dans la chambre, là, puis qui veut pas enclencher. Selon moi, elle doit peser sur le piton. piton pour le fermer. Mais je trouve ça cool, pareil. c'est comme. Oh, c'est vraiment comique. Sinon, rapidement, pour ceux qui adorent Donjons et Dragons, je sais qu'on a une petite gang qui nous écoute, qui aime ça. Moi, je vous recommande le Bag of Holding, qui vend sur ThinkGeek également. C'est un sac qui se fait petit, mais lorsque vous l'ouvrez, il y a tellement de compartiments pour mettre votre stock de côté, pour cacher vos affaires. Finalement, vous êtes capable quasiment de promener avec deux livres de Donjons et Dragons, avec votre PC, avec votre portable, puis une couple de gogos avec. Là. Puis pour un sac à 60$, là, ça vaut vraiment la peine, parce que je vois quand je vois des sacs similaires là, ici dans les magasins, là, ils vendent ça encore plus cher. Fait que non, c'est vraiment quelque chose. Là, ah, je viens de le trouver. Je te link ça tout de suite. Est-ce que c'est le USB LED Beverage Cooler? Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Ça tient une canette. Puis ça peut le tenir au chaud ou au froid. Mais il y a le modèle également qui ressemble à un frigidaire de Coke. Ouais, c'est celui-là que je vois, là. Il existe à quelque part. Je sais pas il est où, mais je sais qu'il existe. Il existe. Alors, c'est des suggestions qui sont cool, sérieusement. C'est vraiment pas un gros cadeau, mais ça vaut la peine. C'est juste fun de recevoir ces affaires-là. Hein? Oh oui. Alors, là-dessus, je pense que ça finit le tour des suggestions de cadeaux pour nous, les accros. Mm-hmm. Laissez-nous en commentaire vos suggestions de cadeaux. Qu'est-ce que vous proposez également? Ça serait le fun de pouvoir vous lire, voir qu'est-ce que vous proposez. Absolument. Comme ça, échanger ça là-dessus. Mm-hmm. Puis on a le forum. Vous pouvez également discuter là-dessus. Il n'y a aucun problème. On va là souvent, en tout cas. Des boucles d'oreilles en D20. Oui, oui. Des boucles d'oreilles en D20. Pour votre blonde geek, c'est parfait. Et ça voilà. Un collier de la Triforce que j'aimerais. Un collier de la Triforce? Ouais, un collier de la Triforce. Oui, oui. Tu vois, sur Etsy.com, je suis sûr que ça existe. Oh, oui. Sinon, il y a plein de choses, des épées, il y a tellement de goodies qui existent, là. Il faudrait quasiment faire amener un podcast là-dessus, là, discuter de goodies qui existent, là, par rapport à des jeux, là. C'est un énorme podcast. On va prendre un testeur de goodies. Ouais, ça coûte cher, par exemple. Faudrait que ce soit financé. Faudrait qu'on aille un petit, faudrait qu'on ait un club, là, de ça. Oh my god. OK, Antithèse, comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter sur antithèse@yahoo.ca ou encore @gmail.com. On peut effectivement me rejoindre sur Twitter @antithèse16. Le Facebook, ça serait de préférence, s'il vous plaît, celui de accrodesjeux.com. On peut également me rejoindre sur le forum d'accrodesjeux.com. Vous me posez des questions. Moi, je vous réponds sans faute le plus vite possible. Également, Sachez que je me suis parti un site Blogspot, donc antithèse.blogspot.com. Cependant, accrodesjeux.com aura mes vidéos, la publication de mes vidéos en premier, et ensuite viendra le Blogspot. Rétro, comment on peut te contacter sur Internet? Je ne veux pas me contacter, pas en tout. Je ne veux pas que vous me contactez. Je veux rien. Non, c'est pas vrai. OK, on arrête la podcast là. Non, vous me contactez sur le site accrodesjeux.com à travers le forum. Puis ça va me faire un plaisir de répondre à vos messages privés. Alors, pour me contacter, moi, le Big Ben, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Tout simplement, ben, vous téléphonez chez nous en me faisant des menaces de mort. Mais là-dessus, Marilyn ne vous aimera pas. Non, mais ça marche. Alors, pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Essayez même pas, ça marche pas. Et je vous garantis qu'une police va se retrouver chez vous après. Sinon, à part ça, vous pouvez me contacter cependant sur Internet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez me contacter à accrodesjeux@commercial.gmail.com. C'est la place où je reçois la plupart des emails pour les accros de jeu. Donc, si vous avez un message à envoyer, normalement, je le traite et je l'envoie à la personne qui est destinée. Vous pouvez également me contacter sur le Twitter des accros de jeu, à accros des jeux. C'est le moyen de pouvoir me contacter le plus facilement. C'est souvent là que je laisse des petits hints sur l'enregistrement des podcasts ou bien sur les prochaines vidéos des accros. C'est là d'habitude que je laisse des nouvelles. Vous pouvez également me rejoindre sur le groupe Facebook des accros des jeux. Mon Facebook personnel, je n'accepte pas les invitations de personnes que je ne connais pas. Il faut vraiment que je vous ai rencontré au moins une fois dans ma vie pour pouvoir vous accepter dans mes amis. Et sinon, ben, le forum des accros des jeux, vous pouvez me contacter là-dessus, il n'y a aucun problème, j'y vais à peu près 10 fois par jour pour aller faire de la modération et jaser avec vous autres. Le prochain podcast aura lieu dans la semaine prochaine pour ce qui est le podcast des accros de l'anime. On n'a pas encore décidé du thème, on va regarder ça, PL, Marilyn et moi. Mais sinon, dans 2 semaines, on a un autre podcast des accros et cette édition-là, on va parler des souvenirs de Noël. Et laissez-nous en commentaire également vos souvenirs de Noël. Parlez-nous de vos souvenirs de Noël de gamer. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu étant petit, un jeu que vous avez adoré, que vous avez joué, ou bien si vous êtes lancé des défis entre cousins-cousines, ou bien le jeu que vous avez été le plus heureux à déballer. Laissez-nous vos commentaires là-dessus, puis on va les passer durant le podcast à votre nom, puis on va vous dire qu'est-ce que ça va être. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 3 décembre 2012. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à la prochaine. Bye-bye! Bye! Regarde, là, je suis en train de t'enregistrer, là. OK. Go! Les accros. Parlez-en à vos amis, à vos mères, à vos ennemis, à vos grands-mères. On a 195 likes sur le Facebook d'accrodesjeux.com. Wouhou! Un instant. Non, je ne suis pas content. Vous voulez me faire un beau cadeau à Big Ben, Marilyn, Antithèse, Rivière CE et Retro Gamer FQ et Giger? On veut péter les 200 likes avant le 1er janvier 2013. Comment ça? Êtes-vous capable d'encourager vos amis, vos ennemis, vos mères, vos pères, vos grands-pères, vos cousins, vos matantes, le voisin, pour qu'on aille nos 200 likes? En tout cas, moi, en 13, like, je compte. 200 likes. J'y ai vu mes 200 likes. Et tu les auras. 200 likes. Et je veux mes 200 likes. J'en quand, là? On a jusqu'à quand, là? On a jusqu'à quand pour faire ça? Jusqu'au 31 décembre 2012, 23h59, 59 secondes. Wouhou! Oui! Je veux mes 200 likes. Ouais. On veut nos 200 likes. Alors, rejoignez-nous sur le Facebook des accros de jeu avant le 1er janvier.